Comment les Boukariens apprirent à élever le verre à soie? Histoire vraie. Pendant longtemps, les Chinois seuls savaient élever le verre à soie. Ils gardaient leur secret et vendaient très cher la soie qu'ils fabriquaient. Le Khan de Boukhari, avisé de la chose, voulut se procurer ce verre et apprendre à l'élever. Il demanda aux Chinois des œufs de verre et des graines de l'arbre dont on le nourrissait, mais les Chinois le refusèrent. Alors, le Khan de Boukhari demanda en mariage la fille de l'empereur de Chine et recommanda à ses ambassadeurs de dire secrètement à la fiancée que tout était en abondance dans son royaume, excepté la soie. Elle devrait donc dérober des œufs de verre à soie, car sans cela, elle n'aurait pas ce beau tissu pour se parer. La princesse prit des œufs et de la graine et les dissimula dans sa coiffure. À la frontière, lorsque les gardes vérifièrent ce qu'elle emportait, aucun d'entre eux ne songea ou n'osa dénouer sa coiffure. Alors les Boukhariens, guidés par les conseils de la princesse, cultivèrent le mûrier et élevèrent le verre à soie.